Chapitre 10e, le jugement. Deux jours plus tard, la grande cour du palais royal s'emplissait de princes, de mandarins, de fonctionnaires, de gens de cour, de talapoins, de soldats, d'amazones, appelés à assister à une solennelle épreuve ordonnée par le roi et dans laquelle l'éléphant blanc devait jouer un rôle capital. D'après les conversations animées des uns et des autres, il s'agissait d'une sorte de jugement de Dieu auquel allait être soumis un talapoin de la pagode royale d'Ajoutia et le siamois qui avait découvert et amené le pachyderme vénéré. Cet individu, répétait-on, affirme qu'il a trouvé l'éléphant blanc. De son côté, le talapoin prétend que c'est à lui, serviteur de Bouddha, qu'on doit le saint animal. La justice divine va prononcer entre eux. Ce qui aggrave la cause du premier, c'est le sacrilège dont il s'est rendu coupable. Non content de dépouiller le prêtre, de le frapper, de lui arracher l'éléphant blanc dans une forêt des environs de Battambang, il aurait encore insulté, maltraité la bête sacrée qui, malade, pouvait à peine se traîner. Miraculeusement sauvé, le talapoin est venu en hâte ici, où il savait que le brigand se rendait directement, à raconter son aventure au chef de son ordre à la cour. Celui-ci, à son tour, instruit sa majesté, et comme chacun sait, le criminel a été arrêté à son arrivée à la porte de la ville. Il serait décapité depuis hier si le prince, revenant sur sa résolution, n'eût voulu l'entendre en présence de son accusateur. Amené devant le souverain, le talapoin et le prisonnier durent exposer à fond. L'un ses griefs, l'autre sa défense. Avant de remettre la princesse main et d'immenses richesses à l'heureux découvreur de l'éléphant blanc, le roi tenait, cela se conçoit, à chasser le doute de son esprit, à ne prendre une résolution définitive qu'une fois sa conviction établie. Le talapoin parla longuement. L'accusé se défendit avec véhémence, traita le prêtre d'imposteur, lui renvoya les épithètes dont celui-ci l'avait accablé et supplia sa majesté d'en appeler à l'éléphant blanc. Cette idée plut au roi, qu'elle tira d'une vive perplexité et dont elle dégagea la responsabilité. Il fut alors décidé que le talapoin et l'accusé seraient placés dans la grande cour du palais. L'un, libre de ses mouvements, l'autre pied et poing liés, ainsi qu'il convient à son rang infime et à l'accusation qui pèse sur sa tête et que devant le personnel de la maison royale, le seigneur éléphant désignerait le vrai coupable, lequel aurait aussitôt la tête tranchée. Comment le désignera-t-il? Par sa colère, par ses attaques, comme il montrera par ses caresses celui qui doit être récompensé. Le seigneur éléphant blanc ne peut se tromper, son essence céleste l'atteste. Dans une si grave conjoncture, il ne manquera pas de prouver la haute sagesse, la sûreté infaillible de son jugement. D'ailleurs, nul mieux que lui ne doit savoir qui, du talapoin ou du prisonnier, l'a trouvé, en a doté le royaume. Dans quelques groupes, on opinait en faveur du moine. Dans d'autres, on se tenait sur une prudence réservée. De ci, de là, on s'extasiait sur la beauté, la blancheur du nouvel éléphant sacré et sur son caractère farouche. Partout, on attendait impatiemment l'épreuve qui se préparait. Le palais royal de Bangkok est une somptueuse résidence, ceinte de hautes murailles d'une lieue de tours et garnie de bastions armés, de canons, remplis d'édifices profanes ou religieux, d'une magnificence sans égale, où vivent des quantités de femmes, princesses, servantes de la reine ou du roi, car le roi est servi par des femmes, concubines, amazones, etc., et des milliers d'hommes, princes, fonctionnaires, soldats, esclaves. La grande cour, vaste espace pavé de dalles de marbre, est bordée par d'élégantes constructions, notamment par la salle où le roi donne ses audiences journalières, en présence d'une centaine de mandarins prosternés la face contre terre, et dont le portail est orné de deux statues colossales de granit, s'appuyant chacune sur une sorte de sceptre sculpté presque aussi grand qu'elle. En face s'élève le Mahaprasad, édifice à quatre façades, au toit pointu surmonté d'une flèche dorée et couvert de tuiles vernissées. C'est là que le roi reçoit les ambassadeurs, qu'on expose les cendres du monarque défunt dans une urne d'or et que prêchent les talapoins du palais. C'est de là, sur un trône doré auquel on montait par des gradins chargés de tapis, que sa majesté allait présider à la justice du seigneur éléphant blanc. Bientôt la cour fut pleine jusqu'à ses extrémités les plus reculées. Les soldats, vêtus de rouge et armés de fusils à baïonnette, se rangèrent en triple file devant la foule, le front tourné du côté de la salle d'audience. Les amazones s'alignèrent en colonne compacte, à droite et à gauche du Mahaprasad, pour maintenir aussi les spectateurs et achever de tracer la reine où le pachyderme saint devait faire connaître sa sentence. Les amazones du roi de Siam, les femmes-hommes, forment, comme celles du roi de Dahomey, un corps d'élite. Elles portent un uniforme qui a de l'analogie avec le vêtement national écossais. Leur armement se compose d'un petit sabre de cavalerie, d'un pistolet, d'un arc et d'un carquois. On les recrute parmi les filles les plus belles des nobles familles. Elles constituent la garde du corps du roi et sont de toutes les grandes cérémonies. Quand on voit leur bataillon en parade, on peut être certain que le souverain ne tardera pas à apparaître. En effet, à peine étaient-elles à leur poste que le roi arriva. De taille ordinaire, aux cheveux blancs, à l'air grave, à l'embonpoint un peu développé, le monarque s'avançait lentement en mâchant du bétel au son criard d'une musique assourdissante qui réjouissait les oreilles de l'assistance. Il portait un large pantalon de soie rouge brodé, une tunique de même étoffe, également enrichie de broderies, et une toque garnie de pierres précieuses. Un sabre pendait à son côté. Il avait aux pieds d'éblouissantes mules. Il gravit mollement les degrés de son trône, s'assit, et invita du geste les personnages qui l'accompagnaient à se placer. C'étaient des mandarins et des officiers supérieurs. Ils s'accroupirent sur les gradins. En même temps, des femmes et des enfants des appartements royaux se prosternèrent autour de Sa Majesté, prêts à présenter l'éventail, le crachoir d'or en forme d'urne, la boîte d'arec ou la théière. Quand chacun fut à son poste, la musique cessa et le son lugubre du tam-tam annonça que la solennité était ouverte. Une dernière rumeur circula parmi la foule bariolée et compacte entassée dans la cour. Puis tout se tut, le roi ayant préalablement fait annoncer que le silence était de rigueur tant que durerait le jugement. Le moine et l'Indien attendaient, dans un coin de la salle d'audience, l'un parfaitement libre, l'autre les mains attachées derrière le dos et les pieds liés. Des talapoins amenèrent le premier à 20 pas du pavillon royal. Des gardes apportèrent le second et le déposèrent sur les dalles à quelques mètres de distance. Chantaboum s'agenouilla et se mit à prier avec une vivacité qui trahissait l'agitation de son âme. Tongu pleura et frissonna. Ses lèvres blêmes murmuraient deux noms, celui de Ma et celui de Bouddha. Au moment de mourir peut-être d'un affreux supplice, il envoyait à la princesse sa dernière pensée et demandait à son dieu de le recevoir dans sa miséricorde. Le gong résonna de nouveau et l'éléphant blanc, magnifiquement harnaché, sortit de son écurie dont ses cornacs venaient d'ouvrir la porte et entra dans la cour du palais. Il portait la tête basse. Ses yeux étaient plus rouges qu'à l'ordinaire. Son allure avait quelque chose de maladif. Ses regards sombres et obliques lui donnaient un air de sauvagerie redoutable. Les officiers de sa maison le suivaient de loin. On aurait entendu voler les moustiques dans la cour, tellement son apparition avait impressionné tout le monde. Il s'arrêta d'abord, étonné de l'appareil qui l'entourait, fit le tour de la haie de soldats et d'amazones qui retenaient la foule, comme pour chercher une issue, et farouche s'approcha en grognant du prisonnier. Il parut ne pas reconnaître ce dernier qui le regardait, étendu sur les dalles. Au contraire, il secoua ses oreilles devant le prêtre. Celui-ci, bouleversé par l'approche du pachyderme, sentait ses forces l'abandonner et se raidissait pour ne pas tomber à la renverse. Sa bouche n'obéissait plus à sa volonté. Il ne pouvait plus articuler ses oraisons et balbutiait, éperdu, des mots sans suite. L'éléphant le flaira sans le toucher, se balança en piétinant, poussa un cri rauque et s'éloigna de lui pour aller à l'Indien. Le talapoin respira, tourna la tête vers le Mahaprasat et ses yeux semblèrent dire à Sa Majesté « Sire, l'épreuve est faite, le seigneur éléphant blanc m'a respecté. Voilà l'imposteur. Permettez que je me retire vos pieds et que j'y attende vos ordres et vos bienfaits. » C'était trop se hâter. En réalité, le jugement se dessinait favorablement pour Chantaboun, mais avant de lever la séance, il fallait voir la façon dont le fétiche se comporterait envers l'accusé. Arrivé près de Tungug, l'éléphant redoubla ses cris, en y mêlant des accès de colère effrayants, agita sa trompe, saisit son compagnon par le corps et l'élevant en l'air comme pour le briser sur les dalles. Une exclamation d'épouvante jaillit de toutes les poitrines. Le roi même ne put retenir un « ah » d'effroi. L'éléphant à l'Indien suspendu au-dessus de sa tête pendant un instant, puis par un brusque mouvement, retournant vers le talapoin toujours agenouillé, à la stupéfaction générale, le renversa d'un coup de défense, lui posa un pied sur la poitrine et l'écrasa. On vit le misérable écarquiller les yeux, se débattre et mourir en l'espace de quelques secondes. Lorsqu'il ne donna plus signe de vie, l'éléphant reposa doucement Tungug à terre, le caressa avec sa trompe, en grognant de plaisir et chercha à détacher ses liens. Ivre de joie, l'Indien embrassa le pachyderme, ne pouvant le toucher, lui parla, le visage inondé de larmes, lui prodigua les noms les plus tendres, le conjura de ne pas l'abandonner. Cette fois, l'épreuve était décisive. Le roi, transporté de joie, donna le signal des acclamations, fit battre le gong, jouer la musique, et ordonna de mandarin d'aller couper les liens de celui en faveur de qui la divinité venait de se prononcer d'une façon si éclatante. Débarrassé de ses entraves, Tungug, sans s'éloigner de l'éléphant qui veillait sur lui et témoignait de ne plus vouloir le quitter, se prosterna vers le souverain et tendit ses bras en suppliant. « Relève-toi, prince, lui dit sa majesté d'un ton bienveillant, en descendant de son trône, et reçois nos royales félicitations. » Épilogue. À quelque temps de là, une pirogue sculptée, dorée, tendue de soie, rutilante de richesse, montée par 50 rameurs à la peau bronzée et à moitié nue, dont les pagaies frappaient l'eau en mesure, glissait légèrement sur le Méname, croisant les lourds bateaux des marchands de riz, les canaux des marchands de fruits ou de légumes, les bâtiments qui sortaient du port. Assis sur des coussins brodés, sous un dais élégant se terminant en flèches, entouré d'officiers et d'esclaves splendidement vêtus, portant sur la poitrine les insignes du grade le plus élevé de l'ordre de l'éléphant blanc, décoration siamoise, Tungug regardait de haut de cette pirogue le beau panorama de Bangkok qui se déroulait à sa vue. Une expression rayonnante de bonheur illuminait son visage, mêlée à une douce teinte de mélancolie. Le présent et le souvenir du passé se confondaient dans son esprit. Les insectes bourdonnaient, les oiseaux chantaient, les enfants se baignaient sur les deux rives du fleuve sous un ciel dont aucun nuage ne troublait la pureté. « Halte !» commanda un officier aux rameurs qui relevèrent leurs pagaies. La pirogue, habilement dirigée par l'esclave qui tenait le gouvernail, accosta au débarcadère d'une maison d'agréable apparence. Tungug sauta légèrement à terre, traversa le jardin et pénétra dans une salle du rez-de-chaussée où un homme, vêtu à l'européenne, dépouillait un volumineux courrier que venait de lui apporter le dernier paquebot, assis dans un fauteuil de bambou et en fumant un cigare. « C'est toi ? » s'écria-t-il en se levant et avec une vive émotion. « C'est moi ! » repartit Tungug en se précipitant dans ses bras. « C'est bien de ne pas m'avoir oublié. Le pouvais-je ? À la bonne heure !» L'Indien s'assit auprès de M. Manobile, qui le félicita chaleureusement et en lui pressant les mains de sa haute fortune qu'il connaissait dans ses détails. « Et tu es heureux ? » fit en souriant le négociant. « Si heureux que je crois être bercé par un divin rêve. Maintenant, que puis-je faire pour vous, mon bienfaiteur, qui m'avait aidé à conquérir l'éléphant blanc, à mériter ma ? Pour moi, personnellement, rien que de me conserver ton amitié, à laquelle j'attache du prix, parce que je sais que ton cœur est bon. Mais si l'appui que je t'ai prêté t'a été utile, puisque te voilà prince, gendre du roi, riche et puissant, prouve-moi ta reconnaissance en te rappelant ta détresse passée quand tu verras des pauvres, en traitant humainement ceux qui dépendront de toi. Dans ce merveilleux royaume, dont tu es maintenant un des piliers, c'est à qui, tu ne l'ignores pas, fera sa moisson sur le dos du peuple, comme on dit proverbialement ici et ailleurs. N'augmente pas injustement les charges de ceux qui ploient déjà sous un fardeau écrasant. N'ajoute pas aux peines de gens dont l'existence n'est que larmes et misère. Sois bon, même pour les méchants. Que ton bonheur te serve à faire des heureux, non à opprimer, et tu seras ainsi digne de ton sort, et je serai payé au centuple de tout ce que tu penses me devoir. » Tungug promit au négociant de suivre la belle conduite que celui-ci lui traçait, et chose plus rare, il a tenu sa promesse. C'est ainsi que s'achève l'éléphant blanc par Armand du Barry.